Qu'est-ce qu'on est beau sur la photo? Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie? T'as vu les gens comme ils sont jaloux de nous? Tous mes biens sont les tiens, et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment. Tu trouves pas qu'ils sont bizarres? Tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi, je crois pas que ça va faire long feu. J'avoue, bientôt ça fera 5 ans. Mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour ils s'échangeront leurs vœux. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble, vous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment. Dans la peau, je l'ai dans mes pensées. Mais bien sûr, je voudrais l'épouser. Ben justement, je devais lui dire mardi. Genou à terre, j'allais la demander. Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée. J'étais tellement choqué quand elle m'a dit. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, je ne sais même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu que je t'aimais pas vraiment. Pourquoi on est encore ensemble, nous deux? Là on ne sait même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment.